j'arrive, j'ai même pas téléphoné. Il s'en fout, chez lui on n'est pas gêné. Ces deux chats viennent pour nous surveiller. À coup d'air, il sait se faire respecter. Sa guitare est toujours branchée. Monsieur Django, un jour l'a envoûté. Pour lui, pas de Dieu, rien que des idées. Moi, j'écoute, je veux rien imposer. Sur deux cordes, tout petit déjà, il jouait des mi et des la. Aujourd'hui, encore il se bat pour les notes qui passent sous ses doigts. L'élastique, il donnait le la. Bien tendu, entre deux bouts de bois. À la cale, résonnait déjà. Mais peu de gens méritent sa voix. Sur deux cordes, tout petit déjà. Aujourd'hui, encore il se bat pour les notes qui passent sous ses doigts. Elle est là, pas très loin de lui, le regarde dormir la nuit. Dans ses yeux, c'est bien mieux ainsi, du soleil arpente la pluie. Sur deux cordes, dans ses chaussons, sa photo sur mon bureau. Mais je vous jure, je suis pas homo. Il vit sa vie comme dans ses chansons, en direct, sans contrefaçon. Quand il part, c'est pas du pipeau.